إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري. On a voilé le feu, donc c'est le feu de l'enfer qui est visé ici, on a voilé le feu par les shahawat, on va dire par les passions. وحجبت الجنة, et on a voilé le paradis, بالمكاره, par les choses dont le nefs déteste, par les choses détestées. رواه البخاري, rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Et maintenant, Inch'Allah, nous allons continuer le cours et le finir aujourd'hui, Inch'Allah, sur le petit livre qu'a écrit le Cheikh al-Rothaymin, rahimahullah. Donc, il est toujours dans sa réfutation à ceux qui disent que celui qui ne fait pas la prière, il est toujours musulman, mais il est fasiq. Par rapport, donc je vous rappelle, il est réfuté par rapport à leur prétention, comme quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait le kouf par rapport au celui qui laisse la prière, c'est le petit kouf. Donc, Al-Uthaymin dit ceci. Alors, Qism al-Rabi'a, la quatrième catégorie, c'est-à-dire qu'il avait dit les catégories par lesquelles ceux qui voient et qui n'est pas, qui est toujours musulman, il s'argumente sur plusieurs catégories. Là, nous sommes à la réfutation de la quatrième catégorie. Amun muqayyadun bima la yumkinu ma'ahu tarku as-salah. Donc, c'est un texte qui est général et qui est lié, d'accord, à ce qu'il n'est pas possible, à ce que soit avec ce hadith, avec cette liaison, c'est-à-dire que avec cette liaison, c'est quoi ? C'était pas possible qu'on mette l'abandon de la prière. L'exemple. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك. Donc, par rapport à la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui est portée par ce sahabi. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه البخاري. Donc, c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit فإن الله حرم على النار. Alors certes, Allah a rendu haram, donc c'est interdit, à la mer, au feu de l'enfer, qui est interdit à rentrer dans l'enfer. Man, qual, celui qui a dit, la ilaha illallah, donc il n'y a pas de divinité par voie sauf Allah, yabotari bidalika wajallah. Et il veut par ceci, et par sa parole, il veut quoi? Wajallah, la face d'Allah. C'est-à-dire que ce n'est pas un munafiq qui dit ça, d'accord? Il ne dit pas ça, mais en fin de compte, dans son cœur, il ne le reconnaît pas. Il cache sa mécréance. Non, c'est quelqu'un qui veut vraiment ceci. Donc Allah Azzawajal a rendu haram cette personne. وقاله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ, et la parole du prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith de Mu'adh, où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. رواه البخاري. Donc je vous traduis. ما من أحد, il n'y a personne, يشهد أن لا إله إلا الله, une personne qui n'a plus, qui me dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que quelqu'un peut me dire, Abu Haroun, est-ce que tu peux me dire ce que tu entends ou pas sur un message, parce que apparemment il y a une personne qui me dit qu'il n'a pas de son, donc il faudra que je vérifie ceci. Abu Haroun, est-ce que tu m'entends? Ah, d'accord. Ah, bah, on vient me dire que, ok, c'est moi, Abdullah. Oh, Alexam, ok, d'accord, c'est bon, le son est revenu. Baraklofi, pour si jamais vous entendez que le son coupe, n'hésitez pas à me prévenir par un message. Baraklofi, hein. Donc je connais, oui, donc par rapport au hadith du prophète qui a dit Ma min ahadin yashadun la ilaha illallah, il n'y a personne qui témoigne qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, wa anna Muhammad rasuluhu, et que Muhammad est son message et le message d'Allah, sidqan min kalbihi, et dit ceci par vérité dans son cœur. C'est-à-dire que là aussi, ce n'est pas un munafiq qui dit ça, c'est quelqu'un qui est sincère dans son cœur quand il dit ça. Donc il l'a sans que quoi, haramallahu ala an-nar, sans que Allah le rend haram, donc il est interdit à ce qu'il rentre ala an-nar, au feu. Rawah al-Bukhari. Ce hadith est rapporté par al-Bukhari. Ensuite, al-Uthaymin dit ceci, فَتَقْيَدُ الْإِتْيَانِ بِشَهَادَتَيْنِ, et donc le fait de lier, le fait de venir avec les deux shahada, les deux témoignages, بِإِخْلَاسِ الْقَصْدِ وَسِدِ الْقَلْبِ, par le fait que le but voulu de, par cette parole, c'est la sincérité, c'est par rapport au premier hadith, et au deuxième hadith, وَسِدِ الْقَلْبِ, et la véracité du cœur, c'est-à-dire qu'il ne faut seulement pas le dire seulement comme ça, comme les munafiqs, mais il faut vraiment que le cœur il soit, et soit sincère et véridique. يَمْنَعُهُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ, ceci empêche le fait que l'on dise qu'il y a l'abandon de la prière. Donc ça, c'est l'argument de ceux qui disent qu'il est toujours musulman. C'est un des arguments. إِذْ, seulement, voilà ce qui se passe, ce que dit Al-Uthaymin. إِذْ مَا مِنْ شَخْصٍ يَصْدُقُ فِي ذَلِكَ وَيُخْلِصُ إِلَّا حَمَلُ صِدْقَهُ وَيَخْلَصُ عَلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ وَلَا بُدَّ. Donc je traduis, sauf que il n'y a pas une personne Yasduku Fidalek, qui est sincère, qui est véridique dans ceci, dans sa shahada, wa yukhlis, et qui est sincère, illa hamalahu sidquhu ikhlasuhu, sans que sa sincérité et sa véracité l'amènent, le poussent à quoi ? À la fi'li salat, à l'accomplissement de la prière, wa la budd, et on ne peut y échapper. Fa inna salata amudul islam, car certes la prière est le pilier de l'islam. Wa hiya salatu bayna al-abd wa rabbihi, et c'est le lien entre l'esclave et son seigneur. Et si donc il est véridique dans le fait qu'il veut la face d'Allah, donc on ne peut échapper à ce qu'il fasse ce qui le lira, d'accord, le fait de lira, c'est-à-dire le verbe lier, d'accord, ce qui l'amènera il a zalika à ceci. Et qu'il s'écarte de ce qui le mettra une barrière entre lui et entre ceci. Et de même pour celui qui témoigne qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et qu'il est véridique par son cœur. Donc on ne peut échapper à ce que cette véracité l'amène à accomplir la prière en étant sincère, c'est-à-dire pur de cœur par rapport à elle pour Allah Ta'ala, muttabi'an fiha rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam, en suivant ceci le messager d'Allah. Lianna dhalika min mustalzimat tilka shahadati was-sadiqah, parce que ceci est parmi ce qui incombe à cette, à ce témoignage sincère, véridique. Al-Qismul Khamis, la cinquième catégorie par laquelle les gens qui disent, qui, comment dirais-je, celui qui ne fait pas la prière est toujours musulman. Ça argumente par autre chose. Al-Qism al-Khamis, la cinquième catégorie. Oh, attendez, j'ai un message. Je crois que... Ok, Barak, c'est celui-là. Excusez-moi, je vérifie juste si on m'entend bien. Donc c'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est la cinquième catégorie ? Ma warada muqayyadan bihalin yu'dara fiha bitarki as-salah. Ce qui est cité parmi les textes et qui est lié, d'accord, par un état. Yu'dara fiha bitarki as-salah. Et cet état, donc, on va l'excuser dedans par le fait d'abandonner la prière. on va bien comprendre avec l'exemple, c'est un hadith qui est très important, notamment de bien le comprendre. Quel hadith al-Ladhi rawah ibn Majah, comme le hadith qui est rapporté par Ibn Majah, et sachez que Al-Albani le rend authentique et se base notamment sur ce hadith, mais on va voir comment on répond à ce hadith par ce hadith même. An Hudhayfa ibn al-Yaman, donc de ce sahabi, Hudhayfa, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول مساجد الله صلى الله عليه وسلم حديث سوسي يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوم الحديث le hadith et là il y a drusé c'est pas il étudie faut savoir il y a des fois ça c'est un petit profil par rapport à langue arabe ceux qui s'intéressent à langue arabe يدرسو ici c'est pas il étudie hein يدرسو الإسلام ou c'est pas l'islam qui étudie là c'est un autre sens يدرسو ça veut dire qu'il s'efface. Donc l'islam s'efface comme Ayadrusu Washil Thawb, comme s'efface le petit dessin qui est sur le vêtement. Vous savez que par exemple, comme ma maman à notre époque, on fait beaucoup de dessins sur les t-shirts ou autres, et à force de les laver, et ben ça s'efface un peu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam s'efface comme s'efface le dessin qui est sur le vêtement. Al-Hadith, le hadith. Wa fihi est dedans, donc le Thamid dit, et il va pas citer tout le hadith, c'est un peu long. Et dans son hadith, il dit ceci. Et il reste des groupes de gens. Le cher al-kabir, le cher, le grand cher. Alors là, le cher, c'est dans, il faut comprendre dans l'âge. Parce que le mot cher, on l'utilise. Imma lissin wa imma lil'ilm. Imma lissin wa imma lil'ilm. Le fait d'être cher, ce qu'on appelle shaykhoura, c'est soit dans la science ou dans l'âge. Un cher, quelqu'un qui est âgé, même s'il n'a pas de la science, c'est un cher par rapport à son âge. D'accord ? Donc, al-cher ou al-kabir, donc la personne qui est très âgée, ou al-rajouz, et al-rajouz, c'est l'homme et aussi la femme qui est très âgée. Yakulun, ils disent, adrakna aba'ana, nous avons atteint nos pères, ala hadil kalima, sur cette parole, la ilaha illallah, fa nahnu nakuluha. Et donc nous, on a dit. Faqala lahu sila. Et sila, qui est une personne qui a dit ça, et qui va donc qui va dire à Hudhayfa, il va s'étonner, il va dire à Hudhayfa, ma tourni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna la salah. Comment leur profitera la ilaha illallah alors qu'ils ne connaissent pas ce qu'est la prière, voilà siyam, et ni le jeûne, voilà nusuk, et ni le nusuk, c'est pas par hajj, donc c'est les actes, les actes qu'on fait au hajj, les actes d'adoration qu'on fait au hajj, comme le tawaf, etc. Voilà sadaqa, et non plus la sadaqa, donc de faire une bonne aumône. D'accord ? Parce que je vous explique, donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit qu'il y aura une époque où les gens ne connaîtront de l'islam en fin de compte parce que l'islam sera effacé et ne connaîtront l'islam que cette parole la ilaha illallah, d'accord, bien sûr le sang, c'est-à-dire qu'il ne faut pas adorer se prosterner pour autre qu'Allah, mais ils auront à force du temps que les gens ne s'intéressent pas à l'islam, etc., et justement ne recherchent pas la science, à la rime, donc l'importance de talab al-rime pour que cette époque ne vienne pas, du moins soit le plus loin possible, il arrivera un moment où ils ne sauront même pas ce qu'est la prière, ni le jeûne, ni la sadaqa, ni le hajj. Et donc, si là, cette personne, ce tabiri, s'est détourné auprès de Hudhayfa, fa'arad anhu Hudhayfa, et Hudhayfa s'est détourné de lui. Ensuite, si là, lui a renvoyé, donc lui a redit la même chose à Hudhayfa trois fois. Il s'est étonné. Kul zalika yu'ridu anhu Hudhayfa. Et à chaque fois, Hudhayfa, il se détourne de lui. Thumba akbal alihi fi thalitha faqala. Et ensuite, il s'est mis devant lui, donc Hudhayfa s'est mis devant lui, et dans la troisième fois, il lui a dit « Ya Sila, tunjihim minan nar, thalatha » Il lui a dit « Oh Sila, elle les sauvera du feu. » Et il a dit ça trois fois. Voilà. Comme on le dit, comme je l'ai dit, c'est ça cet événement se passera quand les gens